franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Anders Breivik, le monstre d'Utøya. Le 22 juillet 2011, à 15h21, en plein cœur d'Oslo, une bombe explose au pied de l'immeuble qui abrite le cabinet du Premier ministre norvégien. L'attentat fait 8 morts et une quinzaine de blessés. Deux heures plus tard, en fin d'après-midi, à 40 km de la capitale norvégienne, sur la petite île d'Utøya, une fusillade éclate dans un camp d'été de jeunes militants politiques. Bilan, 69 morts et des dizaines de blessés affreusement mutilés par balles. En l'espace d'une journée, la Norvège, pays d'Europe du Nord, d'ordinaire plutôt calme, bascule dans l'horreur. S'agit-il d'un double attentat terroriste? S'agit-il d'un acte à connotation islamiste? Qui pouvait donc en vouloir à toutes ces victimes, dont la grande majorité étaient des jeunes âgés seulement de 15 à 25 ans? Le soir même, en direct à la télé, le grand public découvre le visage du tueur. L'individu n'a pas le profil d'un terroriste islamiste, non. Il est jeune, grand et blond, il est norvégien. Il s'appelle Anders Behring Breivik. Le lendemain, lors de ses premiers interrogatoires, il reconnaît les faits qu'il justifie au nom de motifs idéologiques d'extrême droite. Au même moment, sur Internet, des internautes relaient ses vidéos de propagande et son manifeste de plus de 1500 pages, dans lequel on découvre ses théories xénophobes et haineuses. Une question est alors sur toutes les lèvres. Breivik, est-il fou ou a-t-il agi en toute conscience? C'est précisément à cette question que devront répondre les juges du tribunal d'Oslo 9 mois plus tard. Après le récit, avec nous pour revenir sur cette affaire, le chef du service police-justice de France Info, notre invité Laurent Doulsan. Vous l'entendrez d'ailleurs dans les archives, car il était l'un des deux envoyés spéciaux de France Info et France Inter lors de l'ouverture du procès d'Anders Breivik. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Emmanuel Fournier, coordination Christophe Barrer, réalisation Fabrice Lègle, voix d'Anders Breivik Aurélien Labruyère, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Sacha Trop. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Inter. Le deuil, l'effroi et l'attente en Norvège, l'attente des explications de cet homme responsable, semble-t-il, des deux attaques meurtrières aux alentours d'Oslo. Attentat à la bombe dans le centre de la capitale qui a fait 7 morts et une fusillade sur une île toute proche qui a tué au moins 85 personnes. L'onde de choc dans le pays est considérable. Mon fils, ma sœur et mes amis sont ici et ils vont bien. Mais c'est juste que c'est ma ville natale et je ne peux pas croire à ce qui s'est passé. Je suis vraiment très triste pour les parents qui ne savent pas ce qui est arrivé à leurs enfants sur l'île. Le suspect Anders Behring Breivik est toujours interrogé par la police. Les enquêteurs ont trouvé un manifeste publié sur Internet où il évoque l'usage du terrorisme comme un moyen d'éveiller les masses. Anders Breivik apparaît de plus en plus comme un homme isolé. Anders Breivik dit avoir agi seul, même s'il refuse toujours d'expliquer son geste meurtrier. Il y a quelques mois, ce Norvégien de 32 ans vivait encore chez sa mère à Oslo. « Je serai perçu comme le plus grand monstre depuis la Seconde Guerre mondiale », écrit-il dans son manifeste. Une chose est sûre, la Norvège n'avait pas connu une telle violence depuis 1945. On a effectivement un homme qui ne se rattacherait pas à une mouvance d'extrême droite de type néo-nazi, mais effectivement quelqu'un qui était très attaché à l'idée d'une pureté de la nation norvégienne. Froid, méthodique, calculateur, Anders Behring Breivik avait soigneusement préparé ses attaques depuis octobre 2009. Lundi 16 avril 2012, tribunal du district d'Oslo. Ce matin, une pluie fine s'abat sur la capitale norvégienne. Voilà 48 heures que règne en ville une intense agitation. Ici et là, à proximité du palais de justice, des unités de la police et des hommes des forces spéciales quadrillent le quartier. Certaines rues sont fermées à la circulation. Enfin, sur les toits, à proximité, des tireurs d'élite complètent cet impressionnant dispositif de sécurité. D'ordinaire, si tranquille, la ville d'Oslo donne l'impression d'une cité en état de siège. Ce déploiement de force est exceptionnel car directement lié à un événement exceptionnel. C'est ici, ce matin en effet, que s'ouvre le plus grand procès criminel que le pays ait connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le procès d'un homme que la Norvège considère comme un monstre. Son monstre. Anders Behring Breivik, l'individu qui 9 mois plus tôt, en l'espace d'une seule journée, a ensanglanté le pays. Il est l'auteur d'un double attentat dont la violence et la sauvagerie dépassent l'entendement. Des dizaines de journalistes venus du monde entier, des correspondants d'agences de presse, des photographes, des caméramans, tous sont là pour voir, entendre, photographier, enregistrer cet homme qui a, pour des motifs extrémistes, assassiné de sang-froid 77 personnes, dont une très grande majorité de jeunes militants politiques sur l'île d'Utøya et qui en a blessé près d'une centaine d'autres. Un homme dont l'avocat a d'ailleurs annoncé aux journalistes du quotidien Le Monde, je cite, qu'il ne regrettait rien, qu'il referait la même chose si l'occasion se présentait aujourd'hui et qu'il allait, lors de son procès, faire de grandes révélations. Pour la Norvège, pays situé à l'extrême nord de l'Europe, habituellement cité en exemple en matière de démocratie et de respect des droits de l'homme, dont on vante fréquemment les qualités du système d'éducation et de protection sociale, le choc de ce double attentat est encore dans toutes les mémoires, et l'émotion est toujours palpable. Voilà un pays qui ne compte que 5 millions d'habitants. Alors à cette échelle, chacun ici, ou presque, connaît quelqu'un qui a perdu un proche dans cette tragédie, quand il n'a pas perdu un proche, lui-même. D'ailleurs, lorsque les journalistes étrangers interrogent les Norvégiens sur ce qu'ils pensent de ce procès, nombreux sont ceux qui préfèrent ne pas répondre. Pour les autres, eh bien, d'un côté, il y a ceux qui attendent avec impatience l'ouverture des débats pour aller au bout de la vérité, entendre les explications de l'accusé, le confronter à ses 77 meurtres et surtout en finir avec cette affaire traumatisante. De l'autre, il y a tous ceux qui redoutent que l'accusé Anders Breivik élude les questions de fond et profite de son procès pour faire sa publicité. Il en est capable. En cette sombre matinée d'avril, à quelques minutes de l'ouverture de la première audience, où Breivik fera face à ses 5 juges et aux familles et proches des 800 parties civiles, l'un des 2 envoyés spéciaux de France Inter, Grégory Tervel, expose les enjeux du procès devant les grilles du tribunal. Parmi les survivants du Utøya ou les parents de victimes, personne ne parle de vengeance. L'envie d'un procès équitable et d'un jugement garantissant l'isolement de Breivik est en revanche largement partagée. Comme toutes les parties civiles, le président des jeunes travaillistes, Eskil Pedersen, s'attend à des prochaines semaines difficiles. Il va y avoir beaucoup de détails très douloureux à entendre sur les atrocités qui ont été commises. Ça va faire mal de l'entendre expliquer pourquoi il nous a attaqués, mais je pense que le procès doit être aussi brutal que les actes commis. Une chose est certaine, une grande majorité de la population trouve que les médias en font trop, que la presse a déjà donné trop de détails macabres. D'ailleurs, pour épargner à ses lecteurs d'être de nouveau confrontés à de nouvelles révélations, le site web d'un des principaux journaux du pays lance une version sans terrorisme, dans laquelle il n'y aura aucune information sur le procès et les éventuelles révélations de l'accusé. Il est accessible par un bouton filtrant sur la page d'accueil du site. Car si aujourd'hui, les survivants et les familles des victimes veulent des réponses, le reste du pays, lui aussi meurtri, semble vouloir avancer et tourner la page. Avant même l'ouverture des débats, il apparaît clair que la question récurrente dans toute cette affaire est de savoir si Anders Breivik peut être reconnu pénalement responsable. Autrement dit, s'il a bien agi en pleine conscience de ses actes. De son côté, le principal intéressé prétend être parfaitement sain d'esprit. Sans doute pour éviter que son idéologie islamophobe et raciste ne soit décrédibilisée. 2 psychiatres mandatés par la justice norvégienne pour examiner sa santé mentale ont conclu quelques semaines plus tôt que le poseur de bombes d'Oslo et le tueur d'Utøya souffrait de schizophrénie paranoïde, un diagnostic favorable à un internement psychiatrique plutôt qu'à la prison. Alors, Breivik est-il fou ? À partir d'aujourd'hui et pendant 10 semaines, les juges vont devoir décider si c'est précisément la prison ou l'hôpital psychiatrique qui attend le plus grand criminel du pays. Il est 9h, ce lundi 16 avril 2012. Dans la salle 520 du tribunal d'Oslo, spécialement agrandie et rénovée pour l'occasion, 200 personnes prennent place sur les sièges réservés aux parties civiles. Devant elle, protégée par une épaisse vitre à l'épreuve des balles, il y a un siège vide. C'est celui de l'accusé Anders Breivik, dont on attend d'un instant à l'autre l'entrée dans la salle d'audience. Parmi les parents de victimes, nombreux sont ceux qui ne cachent pas une certaine anxiété à l'idée de se retrouver à quelques mètres seulement du bourreau qui leur a pris leur fils, leur fille, parfois même leurs 2 enfants. Quelques minutes plus tard, l'une des portes de la salle s'ouvre. Entre un policier, suivi de l'homme qui, le 22 juillet 2011, détenait entre ses mains un droit de vie et de mort sur une soixantaine de jeunes et d'ados. Au nom de quoi ? Les flashs des appareils photo crépitent et immortalisent la scène. Habillé d'un costume sombre, d'une chemise blanche et d'une cravate dorée, l'homme de 33 ans s'avance d'un pas calme et maîtrisé. Bien coiffé, parfaitement rasé, son visage laisse transparaître un petit rictus de satisfaction lorsqu'il découvre que le public est venu en nombre assister à son procès. Après quelques pas, il s'approche de sa chaise et de ses avocats. La suite, c'est le second envoyé spécial de France Inter, Laurent Doulsan, qui la raconte. Anders Behring Breivik joue comme on le pressentait la carte de la provocation en ce début de procès. Provocation sur le mode impassible, avec un petit sourire glaçant qui se dessine fréquemment sur ses lèvres. Dès qu'on lui retire ses menottes, son premier geste est d'adresser à la salle une déclinaison du salut nazi. Breivik dit d'emblée qu'il ne reconnaît aucune légitimité à la cour et à sa présidente, coupable selon lui d'être trop proche du pouvoir de cette Norvège multiculturaliste qu'il dit vouloir combattre. Il précise ensuite, vous allez l'entendre, qu'il plaide non coupable, car le 22 juillet, il se sentait en état de légitime défense. Impassible, oui. Breivik écoute pendant 35 minutes la procédure qui énonce la liste précise de ses 77 victimes. Celles qui sont mortes dans l'explosion de sa bombe et celles qui ont succombé à ses balles le 22 avril 2011. Pour chacune d'entre elles, la procureure donne des détails glaçants sur la manière dont elles sont mortes et sur l'état dans lequel ont été retrouvés leurs cadavres. Comme préambule au débat, on diffuse sur un écran géant les images captées par les caméras de surveillance de l'immeuble du premier ministre norvégien au cœur d'Oslo, là où précisément Breivik a lancé sa première attaque. Sur ces images, sans fond sonore, on y voit des piétons et des cyclistes passer à côté d'une camionnette blanche garée sur un parking à quelques mètres de l'immeuble. Puis, lorsque l'horloge de la vidéo affiche 15h21, d'un seul coup, l'écran devient gris. Sous un autre angle de caméra, on découvre les vitres qui volent en éclats et des morceaux de mur qui tombent dans un immense nuage de poussière. Grâce à un retour en arrière et un nouvel angle, le public présent dans la salle comprend que c'est la camionnette blanche qui a explosé. À son bord, les experts estiment qu'elle contenait un peu plus de 950 kilos d'explosifs. Pour vous donner un ordre d'idée, avec une telle charge, on aurait pu démolir la tour Montparnasse à Paris. La procureure se tourne alors vers Anders Breivik et lui dit « L'enquête a prouvé que c'est vous qui aviez loué cette camionnette et l'aviez garée à cet endroit précis. » Toujours assis, Breivik, qui a reconnu les faits face aux enquêteurs, ne bronche pas, sciant à peine lorsqu'on repasse la scène de l'explosion ralentie. Puis la procureure présente une autre pièce à conviction. Un enregistrement audio d'un appel téléphonique qu'une jeune fille du nom de Renate a passé à la police à 17h24 cette même journée du 22 juillet 2011, au moment où se déroulait la fusillade sur l'île du Teuya. Sur cette bande de 6 minutes, on y entend le témoin pleurer. Terrorisée, elle explique qu'elle est enfermée dans les toilettes de la petite cafétéria et elle leur dit « Il y a un fou qui tire sur tout le monde ici, si vous ne venez pas, nous allons tous mourir ». À l'autre bout du fil, les policiers n'arrivent pas à y croire, semblent totalement désemparés, et la conversation s'arrête. Le procureur reprend la parole, se tournant vers les familles, regardant Breivik, et dit « Renate, la jeune femme que vous venez d'entendre sera retrouvée 2 heures plus tard en état de choc par les commandos des forces spéciales. À côté d'elle, sur le sol de la cafétéria, 6 cadavres baignés dans une mare de sang avec 5 autres personnes toutes blessées par balles. Silence dans l'assemblée. Breivik, lui, ne réagit toujours pas. Après près de 8 heures de débat plusieurs fois interrompu, la première journée d'audience s'achève. L'expérience est traumatisante pour les familles qui sortent pour certaines en larmes du tribunal. Malgré tout, chacun tente de rester digne dans cette épreuve. Comme en témoigne Trond Henry Blattmann, président de l'association des proches des victimes. Lui-même a perdu son fils de 18 ans à Utøya. Encore sous le coup de l'émotion, il réagit au micro de Laurent Doulsan. Entendre la liste de chaque victime, entendre le nom de mon fils et entendre comment il a été tué, voir les images de l'explosion du quartier gouvernemental et puis entendre cette conversation téléphonique entre la police et cette fille sur Utøya qui avait tellement peur pour sa vie, tout cela a été extrêmement dur. Le lendemain matin, mardi 17 avril, s'ouvre à Oslo la deuxième journée du procès. Un moment très attendu, car fête exceptionnelle en Norvège, l'accusé aura le droit de prendre la parole et de s'exprimer pendant une demi-heure. Mais ce matin, avant même que les portes du tribunal ne s'ouvrent, on assiste à un coup de théâtre. L'un des 5 juges est révoqué sur le champ pour avoir écrit sur les réseaux sociaux, quelques jours après le massacre du Tøya, qu'Anders Breivik mériterait comme seul châtiment la peine de mort. Avec une demi-heure de retard, l'audience s'ouvre de nouveau dans la salle 520 du tribunal d'Oslo. L'accusé entre, et comme la veille, il se redresse et tend son bras face au juge, imitant le salut nazi. Pour répondre à la polémique qui agite les médias, le tribunal réaffirme qu'au nom de la liberté d'expression et du droit fondamental à la parole, l'accusé va pouvoir s'exprimer sans condition face à la cour. Assis sur son fauteuil, Anders Breivik croise les mains et sourit. Quelques instants plus tard, il se lève, regarde derrière lui les familles des victimes, se rapproche du micro et prend la parole. J'ai atténué la rhétorique de mon discours par égard aux proches des familles et des victimes. Je n'ai pas l'intention de rajouter à la peine qu'ils ressentent déjà. D'ailleurs, je crois que je ne peux même pas imaginer les souffrances que j'ai provoquées. Mais pour autant, j'estime que tuer ces 70 personnes était nécessaire pour empêcher une guerre civile. Oui, je le dis, une guerre civile. Je suis fier, et je le revendique, d'avoir mené l'attaque politique la plus sophistiquée et la plus spectaculaire en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comprenez-moi bien, j'ai agi ici en situation d'urgence au nom de mon peuple, au nom de ma culture et de mon pays. Après une quinzaine de minutes, la procureure l'interrompt et lui demande d'en venir aux faits. Breivik, qui feint ne pas l'entendre, poursuit par une diatribe sur la société norvégienne dans laquelle il déconstruit et reconstruit à sa guise l'histoire de son pays. Puis il entame un long plaidoyer. Alors dans la salle, on entend de nombreux soupirs. La juge semble, elle, excédée. L'avocat de Breivik détourne le regard comme pour ne pas apparaître comme complice des propos que tient son client. Après quelques instants de pause, Breivik reprend la parole et entre cette fois dans le vif du sujet. J'ai agi par bonté et non pas parce que je suis le diable. Toute la responsabilité de mon action incombe en réalité à ces gens, les marxistes culturels. Alors si tout était à refaire, je le referais. Les jeunes militants travaillistes sur l'île du Tøya n'étaient pas des jeunes innocents, mais des jeunes gens qui travaillaient pour imposer les valeurs multiculturalistes. Cette île et son camp sont pour moi ce que les jeunesses hitlériennes étaient au Troisième Reich. C'est un camp d'endoctrinement. Dites-moi, comment ce que j'ai fait peut être qualifié illégal? Alors qu'au même moment, des rivières de sang coulent dans les rues de l'Europe. Alors qu'au même moment, le multiculturalisme se révèle être partout un échec. Il est un échec dans toute l'Europe. Je le dis au nom de tous ceux qui croient, comme moi, en notre pays. Nous ne voulons pas devenir une décharge où les musulmans viennent jeter leur surplus de population. Nous voulons une Norvège chrétienne. Nous n'accepterons pas de devenir une minorité dans notre propre pays. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre contre le Parti travailliste. J'ai agi ici, et je le répète, de façon préventive, pour éviter une guerre. Je demande l'acquittement. Breivik se rassoit. Un silence glacial règne dans toute la salle d'audience. Son allocution aura duré en tout 75 minutes. C'est le double de ce qui était prévu. Dans l'après-midi, à la reprise des débats, les rôles s'inversent. Breivik n'a plus la parole, mais il doit répondre aux questions de la procureure. Et là, nouveau coup de théâtre. L'accusé révèle que 2 autres cellules seraient prêtes à frapper d'un moment à l'autre en Norvège, comme il l'a fait, lui, à Utøya. La procureure lui demande alors « Mais vous appartenez à une organisation, monsieur Breivik. Vous n'avez pas agi seul. » Breivik arbore un large sourire et répond « Je n'appartiens à personne. J'ai agi sans recevoir d'ordre pour mener mon combat. Je suis membre de l'ordre des Chevaliers des Templiers. Nous menons une quête légitime. » Les juges lui demandent alors de préciser qui est ce « nous » et quel est ce rôle de cet ordre de chevalier. Breivik se montre évasif et explique qu'il s'agit là d'une organisation internationale et secrète qui doit mettre un terme d'ici 60 ans à l'islamisation de l'Europe. Quant au pronom « nous » qu'il emploie sans cesse, il le justifie en expliquant qu'un grand nombre de Norvégiens pensent comme lui. Pour les juges, ces cellules dormantes ou soi-disant dormantes sont le fruit de l'imagination de Breivik. Après plusieurs heures d'échange, le deuxième jour d'audience s'achève. Dans les couloirs du tribunal, Randi Johansen, une mère qui a perdu son enfant à Utøya, réagit aux déclarations d'accusé. Ça m'a permis de comprendre comment il pense et pourquoi cette action était nécessaire pour lui. Mais en même temps, il parle d'un combat et ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. Il a détruit la vie de jeunes qui n'étaient pas en état de se défendre. La personnalité de l'accusé Anders Behring Breivik intrigue tout autant qu'elle révulse les familles des victimes et les Norvégiens en général. Qui est donc cet homme de 33 ans qui se prénomme Anders? Qui se cache derrière ce monstre nommé Breivik? Quel est le chemin qui l'a amené à faire sauter une bombe en plein centre-ville d'Oslo et à tuer plusieurs dizaines de personnes sur l'île d'Utøya? Je suis quelqu'un de très sympathique, a déclaré notamment aujourd'hui Anders Breivik à son cinquième jour de procès à Oslo. Mais pour pouvoir perpétrer son carnage, a-t-il expliqué, il a pendant 6 ans refoulé ses émotions et coupé ses liens sociaux. Il lui a fallu, selon sa propre expression, déshumaniser l'ennemi. Anders Breivik, qui en juillet dernier a tué 77 personnes, a une nouvelle fois rejeté toute idée de folie. Il veut être jugé responsable de ses actes qu'il assume et explique. Au tribunal d'Oslo, en cette fin du mois d'avril 2012, le procès du criminel Anders Breivik se poursuit. Jour après jour, la salle 520 vit au rythme des témoignages des jeunes survivants, des comptes rendus d'experts de la police et des réponses de l'accusé. Pour tenter de percer les secrets qui se cachent derrière le masque impassible de cet homme de 33 ans, les juges décident de se pencher sur son parcours et sur sa route. acte, vraisemblablement sans retour, qui l'a amené à perpétrer ce double attentat du 22 juillet 2011 à Oslo et Utøya. Au fil des jours, l'audience découvre l'histoire du jeune Anders Behring Breivik, cet enfant issu de la classe moyenne norvégienne, né en février 1979 d'un père diplomate et d'une mère infirmière, rapidement divorcé. Cet adolescent qui, selon les témoignages, était ordinaire, gentil, brillant, attentionné, celle de ce lycéen qui a abandonné rapidement l'école pour tenter d'entrer dans la vie active rapidement et devenir, disait-il, millionnaire. Enfin, celle de ce jeune homme d'une vingtaine d'années qui fait fortune en vendant des faux diplômes. L'histoire prêterait à sourire si elle n'était pas liée à une autre facette, celle la plus intime et plus dramatique. Car au fil des lignes de sa biographie, on découvre des aspects beaucoup plus troubles de sa personnalité. Celle d'un jeune homme en manque de repères qui vit et interprète l'actualité sans décryptage et sans filtre. Celle d'un individu témoin par la télé de la guerre en ex-Yougoslavie et des campagnes de bombardement de l'OTAN. Un événement traumatique qui jouera plus tard le rôle de double révélateur pour Breivik. D'une part, la violence est intrinsèque à la société. Et surtout cet épisode est la preuve que le multiculturalisme en Europe est une question insoluble. Bref, le désespoir et la haine comme pensée politique globale. À cette même période, au début des années 2000, il adhère à un parti politique d'extrême droite en Norvège. Mais l'expérience est de courte durée. Breivik n'y voit, je le cite, qu'immobilisme et manque de conviction. Lui qui ne jure que par l'action et la détermination, ça ne pouvait pas coller. C'est en 2006 que tout bascule. Breivik perd tout son argent sur des placements hasardeux en bourse. Il retourne vivre chez sa mère. Très vite, il trouve refuge dans un monde parallèle, ou plutôt virtuel, les jeux vidéo. Et pas n'importe lesquels. Il passe des journées entières à jouer, pendant parfois plus de 10 heures d'affilée à World of Warcraft, un jeu de stratégie en ligne. Parallèlement, il s'instruit et se radicalise par une consommation effrénée de blogs et de vidéos sur Internet. Il commence alors la rédaction d'un manifeste, celui qui sera publié le jour des attaques et dont le titre est profondément troublant. 2083, une déclaration européenne d'indépendance. Dans ce condensé de théories extrémistes et xénophobes de 1500 pages, il prône la lutte contre l'islamisation forcée des peuples du continent et la restauration des droits des Norvégiens de souche. Nous sommes alors en 2009. Anders Breivik veut désormais passer à l'action. Alors il achète des armes, en grande quantité. Il s'entraîne au tir, il loue une ferme à l'écart de la ville où il passe à la seconde phase de son scénario, l'entraînement avant la mise en situation. Il accumule les explosifs. Lorsqu'enfin arrive la date fatidique du 22 juillet 2011, le jour où tout a basculé, le jour où Anders Behring Breivik, après des années de préparation, d'écriture de haine, de travail et de planification, a utilisé les armes pour remplacer les mots, pour tuer 77 personnes et en blesser plus d'une centaine. Ici, police secours. Bonjour, mon nom est le commandeur Anders Behring Breivik, du mouvement de résistance anticommuniste norvégien. Oui. Je suis sur l'île d'Utøya et je souhaite me rendre. Ok. Mais de quel numéro m'appelez-vous ? Je vous appelle d'un portable. Vous dites d'un téléphone portable ? Oui, d'un portable. Mais ce n'est pas le mien, c'est celui de quelqu'un d'autre. Celui de quelqu'un d'autre ? Pouvez-vous me redonner votre nom ? Allô ? Allô ? Il est 17h59, ce 22 juillet 2011, lorsqu'Anders Breivik appelle lui-même la police. À ce moment précis, il est effectivement sur l'île d'Utøya, habillé comme un militaire en intervention, gilet tactique lourd, signé police, équipé de dizaines de chargeurs. Anders Breivik se livre à une chasse à l'homme sans merci sur la petite île de 12 hectares, là où sont réunis en camp d'été un peu plus de 500 jeunes, tous membres des groupes de jeunesse du Parti travailliste, le parti au pouvoir. Depuis une demi-heure, Breivik a déjà tué 40 personnes au pistolet, au fusil, à lunettes, plus celles qui ont succombé dans l'attentat à la voiture piégée à Oslo. S'il appelle la police, c'est qu'il veut savoir s'il lui reste du temps, oui, du temps, pour continuer ce qu'il dit être sa mission, et donc tuer encore et encore un maximum de personnes. Car c'est là l'un des points fondamentaux pour comprendre quel est le moteur de toute cette horreur. Breivik ne veut pas mourir, non, il veut être arrêté parce que il veut être célèbre. Thank you. Déterminé, méthodique, il ratisse l'île. Il ne cherche pas à blesser, il cherche à tuer, à éliminer un par un tous ceux qu'il croise. Et comble de l'horreur, il revient, si nécessaire, sur ses pas pour achever ses victimes, le plus souvent d'une balle de pistolet en pleine tête. Car dans sa représentation mentale, tous ces jeunes gens présents sur l'île sont des marxistes et donc des ennemis. Tu ne penses pas comme moi, je t'élimine. Rescapé, Adrien Pracon raconte devant les juges l'acharnement du tueur Breivik. Il est entré dans le camp, il nous a demandé de nous regrouper autour de lui et il a commencé à tirer. C'était fou, il nous suivait dans nos tentes et tirait dans les tentes. Une trentaine de personnes ont essayé de fuir à la nage. Je l'ai vu tirer 5 fois sur une même personne dans l'eau. L'eau était toute rouge. Entamé à 17h14, le carnage prend fin 1h16 plus tard, lorsque les commandos de la police pénètrent enfin, grâce à un petit canot, sur l'île du Teuilla et qu'ils interpellent Breivik, arme à la main. Le meurtrier se rend sans opposer aucune résistance. Il demande juste un pansement pour soigner une petite coupure qu'il s'est faite au doigt. Arrivés à leur tour sur place, les équipes de secours se heurtent à des scènes insoutenables. Sur terre et dans l'eau, des dizaines de corps gisent, certains baignent dans le sang, d'autres n'ont plus de tête. Quant à la centaine de blessés récupérés dans l'eau ou sur l'île, ils sont tous, évidemment, en état de choc. Dans la salle 520 du tribunal d'Oslo, en cette fin du mois d'avril 2012, 9 mois après le drame du Teuilla, grâce aux témoignages déchirants de plusieurs dizaines de survivants, dont certains sont handicapés à vie, les juges reconstituent minute après minute la mortelle randonnée de Breivik. Lui, toujours assis sur son siège, demeure imperturbable. Preuve de la tension qui règne ici à Oslo, l'audience est émaillée de plusieurs incidents. Un matin, le frère d'une victime jette l'une de ses chaussures en direction de Breivik. Celle-ci finit sa course sur la tête de son avocate. Quelques jours plus tard, autre incident, un homme tente de s'immoler par le feu devant le tribunal. Bon an, mal an, les audiences se poursuivent pendant encore plusieurs semaines. À la barre, les experts psychiatres ne parviennent pas à s'entendre sur l'état de santé mentale de l'accusé. Un second duo d'experts contredit le premier rapport qui décrivait Breivik comme un schizophrène. Les débats se poursuivent et on découvre avec stupeur qu'Anders Breivik avait comme projet initial de tuer tout le gouvernement norvégien et de ne faire aucune exception. Au même moment, devant les grilles du tribunal d'Oslo, les proches des victimes et anonymes se rassemblent pour chanter une chanson haïe par Breivik, celle de l'arc-en-ciel, au nom du vivre ensemble. "40 000 personnes sont venues chanter à la mi-journée le refrain populaire détesté d'Anders Behring Breivik. Plus qu'un défi aux terroristes, il s'agissait de soutenir les victimes. Sissel, habitante d'Oslo, a tenu à se joindre au rassemblement malgré la pluie. "Je suis venue avec une rose et je vais la déposer devant le tribunal. C'est un petit geste en direction de ceux qui souffrent pendant ce procès." Devant le tribunal, juste sous les fenêtres de la salle d'audience où se trouvait Breivik, l'heure était au recueillement. Oslo, Grégory Tervel pour France Inter. Vendredi 24 août 2012, tribunal d'Oslo, il est 10h du matin. Après plus de 2 mois de procès, les juges rendent enfin leur verdict. Accusé d'acte terroriste pour l'explosion d'Oslo et la fusillade du Teuilla, Anders Behring Breivik est reconnu pénalement responsable. Il écope de la peine maximale que prévoit la loi en Norvège, 21 ans de prison, qui pourra être prolongée indéfiniment tant que Breivik sera considéré comme dangereux. Par la voix de son avocat, le condamné qualifie ce verdict d'illégal, mais refuse de faire appel. Il ira donc dormir en prison, et non pas en hôpital psychiatrique. Il pourra ainsi continuer de recevoir du courrier et d'avoir accès à certains droits. Aujourd'hui à Oslo, un peu plus de 5 ans après le drame, le visage de Breivik et les souvenirs de la tuerie du Teuilla sont encore dans toutes les mémoires. Comment la Norvège pourrait-elle oublier ce qu'elle a vécu, la sidération devant l'impensable? Celle que Paris a vécue également, c'était pour d'autres raisons. C'était il y a 1 an. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand. But when I picked it up, then it vanished away from my hands. dream I was seven, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience for me. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. I was painting a picture. The picture was a painting of you. And for a moment I thought you were happy, but then again it wasn't true. And all this time I have been lying, oh, lying in secret to myself. I've been putting sorrow on the forest plates on my shelf. La-di-da. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Breivik, la tuerie d'Utøya. Notre invité, c'est donc Laurent Doulsan. Bonjour. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes le chef du service police-justice de France Info. Il se trouve que vous avez couvert la première semaine, je crois, du procès, ou plus encore? Non, la première semaine. Je suis revenu ensuite quelques semaines plus tard pour le verdict. Alors, avant que vous ne partiez en Norvège, et comme nous tous, j'imagine, vous avez été très surpris qu'une telle action, qu'un tel drame puisse se dérouler en Norvège, parce que voilà, on a l'image de pays, pas toujours juste d'ailleurs, mais enfin celle-là paraît à peu près juste, d'un pays plutôt calme, plutôt tranquille. Comment expliquer qu'il puisse passer quelque chose comme ça dans ce pays-là? Il y avait des facteurs qui pouvaient favoriser cela? Alors effectivement, je me souviens très bien qu'au moment des faits, en juillet 2011, c'était l'incrédulité totale qui régnait en Europe et à Paris en particulier, à cause de cette fameuse image que vous décrivez d'un pays, finalement, on a l'impression qu'il ne s'y passe pas grand-chose. Que tout va bien. Que tout va bien, où les rapports sociaux sont très apaisés, se passent dans une sorte de, presque de torpeur, j'ai envie de dire. Avec le niveau de vie le plus élevé d'Europe, hein, quasiment. Voilà, exactement, où il n'y a pas des problèmes que l'on peut rencontrer ailleurs, en Europe occidentale, ou comme chez nous, d'extrême pauvreté, de choses comme ça. Donc on a l'impression d'un pays qui, où tout se passe friendly, gentiment. Et donc le choc est d'autant plus important ce soir de juillet 2011 quand on apprend ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un syndrome Olof Palme, vous vous souvenez de l'assassinat du premier ministre suédois? Alors on avait porté au nu le modèle social et politique suédois en disant que les hommes politiques étaient de proximité, qu'on pouvait parler avec eux, qu'ils se déplaçaient. Et puis voilà, il a été tué. Il y a eu un syndrome Olof Palme, mais qui manifestement n'a pas donné de sécurisation plus importante en Norvège. Et n'a pas tout à fait servi de leçon, puisque à l'époque c'était aussi l'extrême droite, si je me souviens bien, qui était en cause. Et puis à l'approche de ce procès d'Anders Breivik, en m'intéressant petit à petit à l'histoire de ce pays et à l'histoire des mouvements politiques qui avaient pu le traverser, on s'aperçoit que les idéologies nauséabondes, l'extrême droite, les idéologies racistes ne sont pas aussi absentes que cela dans ce pays. Et que les problèmes de ghetto, les problèmes de certaines populations cantonnées au faubourg de la ville, etc., existent aussi et nourrissent un certain nombre d'idées et nourrissent l'imaginaire d'un certain nombre d'activistes comme Breivik. On découvre au fur et à mesure où l'on se rapproche du procès une Norvège et des pays du Nord un peu éloigné de l'image qu'on s'en était faite. Mais est-ce qu'il y a un déficit de sécurité du côté de la police, par exemple? La police norvégienne, elle n'est pas moins compétente que la police française, elle j'imagine. Elle n'est pas moins compétente que la police française ou que la police américaine, mais il faut bien avoir à l'esprit qu'elle n'est absolument pas préparée à un événement de ce type, à un événement d'une telle ampleur. En témoigne notamment le moment où les secours doivent se rendre sur l'île d'Utøya pour essayer de sauver ces jeunes gens, et ils n'ont même pas les moyens de prendre un bateau. Ils sont obligés de prendre une embarcation d'entrain, un petit canot qu'ils trouvent comme ça. Tout se passe dans une sorte d'improvisation qui révèle les faiblesses du système norvégien, qui n'est pas du tout habitué à une gestion de l'ordre public comme on peut la connaître ici ou dans d'autres pays, plus habitué à une menace de type terroriste, parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit de ça, alors on peut y revenir, c'est un crime politique, hein, puisque ses motivations, elles sont claires, il les a exposées multiculturalistes, enfin, ce sont des motivations d'extrême droite, je disais tout à l'heure, parce qu'il peut s'arrimer à toute idée fasciste globalement, c'est « tu ne penses pas comme moi ». Je t'élimine. On est là-dedans. Exactement, on est là-dedans. On est dans cette idée de l'élimination physique de l'adversaire, de l'élimination la plus large possible, puisque Breivik l'a dit lui-même, hein, il comptait tuer absolument tout le monde sur l'île d'Utøya. Il comptait tuer absolument tout le monde au Parlement d'Oslo où son camion piégé a explosé. Donc il y a cette idée de la négation de l'autre et toute son argumentation, ces 1500 pages de manifeste, sont un discours relativement construit dans toute cette folie et où il n'est question que des grands thèmes récurrents de l'extrême droite la plus extrême, la lutte contre l'islam qui est l'ennemi suprême et la lutte contre tous les gens qui rêvent d'une société où le mélange est possible. Pour un homme comme Breivik, tout ça est un modèle de société qu'il faut absolument éliminer, tuer dans l'œuf avant qu'il ne prenne trop d'importance à ses yeux. Il agit seul, parce qu'on peut penser que des idées comme ça, elles sont partagées par d'autres. Alors, on s'est beaucoup interrogé sur cette question-là. Dans les mois qui ont suivi les massacres, l'enquête s'est beaucoup penchée sur cette question. Au procès, on l'a entendu d'ailleurs tout à l'heure avec certaines questions de la présidente, on s'est aussi demandé si Breivik faisait partie d'une organisation, s'il était accompagné de près ou de loin par des complices, si d'autres que lui étaient susceptibles de passer à l'action. La conclusion de tout ça, c'est que cet homme, non seulement a rédigé son manifeste tout seul pendant des mois, a vécu tout seul pendant des mois, voire des années, s'est préparé tout seul. On est dans un phénomène dont on parle beaucoup aujourd'hui dans nos sociétés, d'auto-radicalisation. On est exactement dans ce modèle-là. Alors, on a beau être journaliste, on n'en est pas moins humain, avec une sensibilité humaine, et heureusement d'ailleurs, on n'est pas des robots. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, quand vous avez vu entrer cet homme, qui est un monstre, hein, il n'y a pas d'autre mot, mais qui est aussi un homme. Il n'est pas humain, mais c'est un homme. Quand vous le voyez arriver, qu'est-ce qu'on ressent, et ce qu'ont dû ressentir aussi, évidemment, les gens dans le public, et puissance 10, les familles victimes? Alors, on s'attendait un petit peu, je me souviens, à ce que Breivik utilise d'une manière ou d'une autre la provocation à l'ouverture de son procès. On avait un petit peu découvert le personnage, on connaissait certaines de ses déclarations en amont du procès. On se doutait bien qu'il allait se passer quelque chose. On était très curieux parce que de lui, on ne connaissait finalement que quelques photos d'identité anciennes et puis quelques clichés de son arrestation sur l'île à la fin du massacre. Mais là, on le découvrait véritablement pour la première fois et on découvre un homme vraiment déjà à la physionomie et à l'allure très surprenante, un peu hors norme, avec une coiffure un petit peu bizarre, avec un costume un petit peu de comme un séminariste, vous voyez, un truc très très strict, avec une sorte de petit col et une cravate totalement incongrue dans des coloris dorés. Donc déjà une sorte de surprise comme ça qui saisit tout le monde et puis il commet ce geste On a beaucoup parlé de salut nazi, mais c'est pas vraiment le salut nazi. On dirait que c'est un salut qu'il a un petit peu fabriqué lui-même à partir de plusieurs influences du salut nazi, puis peut-être d'heroic fantasy, de on ne sait où. Étrange syncrétisme. Voilà. Et au moment où il se présente comme ça devant le tribunal, effectivement, il y a un moment d'effroi et à un moment, je me souviens d'une consternation générale. C'est-à-dire j'imagine, que, oui. Voilà, une sorte de regard comme ça où on se dit non, vraiment, ce type vient d'ailleurs, il est capable de faire ça, de se présenter sous ce jour. C'est encore pire que ce qu'on pouvait imaginer. C'était un petit peu ce genre de pensée qui traversait les gens qui ont vécu ce moment-là. C'est quoi, c'est du cynisme et de l'arrogance, les deux en même temps? Je crois, oui. Beaucoup de cynisme, beaucoup d'arrogance et beaucoup de volonté de provoquer et de faire encore plus mal par toute une série de symboles, de rappels historiques, faire encore plus mal que le bilan qui lui était déjà reproché. Et l'expression sur le visage des familles, vous l'avez scruté aussi? Ouais, une sorte d'incrédulité consternée, voilà. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que à tous les moments de cette affaire, les familles, les proches des victimes se sont distingués par une très grande dignité. Je me souviens avoir été en reportage quelques jours avant l'ouverture du procès, d'avoir rencontré pas mal de ces gens. Il y avait une sorte de calme très très impressionnant de la population norvégienne, mais aussi de gens qui avaient été directement touchés par le drame. Une sorte de sérénité et une volonté de ne pas se laisser non plus impressionner par cet homme et de réaffirmer en permanence les valeurs du pays, les valeurs de démocratie, de multiculturalisme que Breivik haïssait tant. Il y avait un petit côté dans les jours qui ont suivi le massacre et au moment de l'ouverture du procès, il y avait un petit côté 11 janvier, de l'esprit du 11 janvier, oui, dont on a beaucoup parlé chez nous par la suite, mais une sorte de force tranquille que l'on voulait montrer. Je le disais tout à l'heure en conclusion, c'est un parallèle entre ce qui s'est passé le 13 novembre, les motivations, enfin l'organisation n'est pas la même, les motivations ne sont pas éloignées dans le genre, encore une fois, tu ne penses pas que moi je t'élimine, on est dans cette logique-là. On est dans une idéologie totalitaire qui... et qui passe par les armes, l'horreur et l'effroi. Alors, puisqu'on parlait des familles de victimes, on va entendre l'une d'entre elles, rescapée du Teuil, elle s'appelle Oresindik Brekeval, elle a témoigné après la première journée d'audience. Anders Behring Breivik est un petit homme sinistre qui ne parvient pas à imposer ses vues d'une autre manière qu'en tuant des jeunes sans défense. La vidéo qu'il a réalisée n'est en fait qu'un diaporama très infantile et idiot. Qu'il soit ému de la revoir au point d'en pleurer en dit beaucoup sur le personnage. Bon, là, ça corrobore ce que vous disiez. Même si on est rescapé, famille de victime, on analyse quand même, on se laisse pas envahir par la vague d'émotion. Hein, c'est fort quand même. Il y avait une volonté de comprendre, je crois qu'il y avait une volonté de comprendre des Norvégiens, de comprendre ce qui arrivait à leur pays, justement. Oui. Parce qu'ils avaient été habitués pendant toutes ces années à des rouages relativement fluides entre les différentes couches de la société. Tout d'un coup, un monstre venu de nulle part apparaissait dans leurs écrans radars et il fallait absolument comprendre avant de sanctionner. Alors, puisqu'on veut comprendre, on va écouter une deuxième archive. Il s'agit du chercheur Cyril Coulet, chercheur à l'Institut des relations internationales. Il parle de Breivik, de son profil complexe. On a effectivement un homme qui ne se rattacherait pas à une mouvance d'extrême droite de type néo-nazi, par exemple, tel qu'on aurait pu éventuellement le penser, mais effectivement quelqu'un de fondamentalement conservateur, quelqu'un qui était très attaché à l'idée d'une pureté de la nation norvégienne et qui rendait responsable le Parti social-démocrate d'une perte de l'identité nationale. Peut-être y a-t-il eu un complice, mais en tout cas, il semble manifeste qu'il n'y a pas eu un réseau. Et en tout cas, pas un groupe structuré d'extrême droite qui aurait été en amont de la préparation de cette opération. Ce qui nous renvoie à ce qu'on disait effectivement tout à l'heure sur ses motivations idéologiques, mais mises en œuvre en solitaire. Voilà, l'absence d'organisation et en même temps un discours qui ne vient pas de nulle part, un discours qu'il a, dont il s'est imprégné année après année, dont il s'est imprégné encore plus au fur et à mesure de son isolement personnel, mais disons que tout son discours, tout son manifeste est nourri de tout ce qui peut se faire de pire en matière d'idéologie liberticide et opposé à tout ce qui peut représenter une différence. On a dit qu'il ne cherchait pas à blesser, il cherchait à tuer le plus de monde possible pour être célèbre. Alors célèbre, est-ce que c'était une quête d'identité personnelle ou une quête d'identité politique pour mettre en avant ses idées, si tant est qu'on puisse les qualifier d'idées? Il a fait sa pub pendant le procès, il y avait ce côté-là, vous l'avez senti? Alors c'est un point sur lequel il est difficile de trancher, à mon avis. Effectivement, on n'a jamais réussi à faire exactement la part des choses entre sa volonté de surpuissance personnelle, sa volonté d'être reconnu comme un des plus grands monstres du monde contemporain, et la volonté de faire avancer son combat qu'il dit partagé par d'autres. Le fameux nous, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore difficile de trancher sur cet aspect-là. On peut penser quand même qu'il est nourri par quelque chose de très fort intérieurement, qu'il a un énorme besoin de reconnaissance, même par la voie du pire, puisque toute sa vie précédemment est quand même marqué par beaucoup d'échecs. Oui. Il veut atteindre une forme de reconnaissance, c'est vraisemblable. Breivik s'est dit en légitime défense, bon, ce qui est évidemment intellectuellement inacceptable. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, à votre avis? Ah ben, il se sent investi très clairement, il utilise le terme d'ailleurs à plusieurs reprises, il est investi d'une mission, non pas pour lui, il ne se sent pas menacé lui personnellement, mais il considère que sa nation, sa civilisation, l'Europe blanche, pour résumer, est constamment menacée, de plus en plus menacée par des éléments extérieurs, par des populations venues du Sud, par des populations venues d'autres cultures, d'autres religions. Et à ce titre-là, il dit qu'il y a urgence, il dit urgence à s'opposer à cela, et on est donc dans une forme de légitime défense dans son raisonnement. Vous êtes resté une semaine, vous me l'avez dit, vous n'avez pas eu le temps d'analyser ce qui est devenu la société norvégienne après ça, mais vous pensez que ça a changé la société norvégienne, il y a eu un avant et un après Breivik dans ce pays? Vraisemblablement, je dois avouer qu'effectivement, après cette affaire, je suis passé à d'autres. C'est notre métier qui veut un petit peu bien ça. Sûr. Mais oui, je crois que, en tout cas, ça a servi, ça n'a pas ouvert les vannes au scénario du pire en Norvège, ça a plutôt resserré les liens dans la population autour de l'idée de la démocratie, et je crois que c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays confrontés à ce genre d'attaque. Il nous reste 25 secondes, Laurent Doucet, vous connaissez bien la radio et ses contraintes horaires, donc en 20 secondes maintenant, cette affaire-là vous a marqué peut-être plus que d'autres dans votre carrière? Elle m'a marqué profondément, j'y repense souvent, je repense souvent à cet homme, à sa physionomie, et elle m'a marqué d'autant plus que l'on a connu ici, quelques années plus tard, des scénarios finalement assez comparables et peut-être des gens au psychisme aussi perturbé. Malheureusement, on ne le saura jamais puisque la plupart d'entre eux sont morts aujourd'hui. Merci infiniment, Laurent Doucet. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Breivik, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons les grandes grèves de 1995 en France.